La nouvelle de la victoire parvient à Médine. Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha furent dépêchés vers Médine afin de communiquer la bonne nouvelle aux musulmans restés dans la cité. Les réactions des différentes composantes de la structure multiethnique et pluri-idéologique médinoise furent très contrastées. De fausses rumeurs fabriquées de toutes pièces se répandirent chez les juifs et les hypocrites selon lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam aurait été tué, car Zayd ibn Haritha avait été vu montant sur Al-Qaswa, la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam. Parvenus à destination, les deux messagers informèrent les musulmans de la victoire et fournirent des détails précis sur le cours des événements afin de rassurer le cœur des anxieux qui, la victoire annoncée, éclatèrent de joie et se mirent immédiatement à acclamer le nom d'Allah et à clamer ses louanges de leur voix la plus puissante. Les notables sortirent de la cité afin d'entendre et d'accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Oussama ibn Zayd a rapporté que la nouvelle de la victoire parvint à Médine après l'enterrement de Ruqayya, l'une des filles du prophète alayhi salatu wassalam, qui était aussi l'épouse de Othman ibn Affan. Avant le départ de son père, alayhi salatu wassalam, elle était déjà gravement malade et le prophète sallallahu alayhi wasallam avait demandé à son mari de rester à Médine pour s'occuper d'elle. Durant le séjour de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wasallam à Badr, après la fin de la bataille, une querelle au sein des soldats musulmans éclata au sujet du partage du butin. Voyant cela, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna aux musulmans de rapporter le butin dont ils s'étaient saisis. C'est alors que descendit la révélation, apportant la solution adéquate. À ce sujet, Ubada ibn Samit a dit « Nous sommes partis de Médine avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam et j'ai pris part à la bataille de Badr à ses côtés. Allah a voulu que l'ennemi soit défait. Certains musulmans poursuivirent les fuyards, d'autres ramassèrent le butin dans le camp de l'ennemi et d'autres enfin demeurèrent auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour le protéger et faire face à toute attaque surprise. À la tombée de la nuit, les musulmans se rassemblèrent et ceux qui avaient collecté le butin dirent « Nous l'avons ramassé, donc personne d'autre n'y a droit. » Ceux qui avaient pourchassé l'ennemi leur dirent « Vous n'y avez pas plus de droit que nous, car c'est nous qui avons dispersé l'ennemi. » Quant aux soldats de la garde rapprochée du prophète sallallahu alayhi wasallam, ils formulèrent une revendication semblable. C'est à ce moment que fut révélé le verset suivant. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Sourate 8, verset 1 selon le sens du verset. Sur le chemin du retour vers Médine, près d'une grande colline de sable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répartit le butin de façon égale entre les combattants après en avoir prélevé le cinquième. Lorsqu'ils parvinrent à As-Safra, il ordonna que l'on tuât An-Nadr ibn al-Harith, le porte-étendard des associateurs à Badr, et ennemi implacable de l'islam et de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut Ali ibn Abi Talib qui trancha sa tête. Arrivé à Irq al-Zubiyya, Uqba ibn Abu Mu'id fut lui aussi mis à mort. Oubliant pour une fois sa fierté, Uqba cria avant de périr « Qui veillera sur mes enfants, ô Muhammad ?» Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit « Le feu de l'enfer ». Uqba n'avait pas par le passé ménagé ses efforts pour causer du tort à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui avait jeté les entrailles d'une brebis sur la tête alors qu'il était prosterné en prière. Il avait également tenté de l'étrangler avec son manteau, Abu Bakr étant intervenu juste à temps pour le libérer. C'était Asim ibn Thabit, le Ansar, qui le décapita. Selon une autre version, il s'agissait plutôt de Ali ibn Abi Talib. La mise à mort de ces deux tyrans s'imposait aux musulmans. Il ne s'agissait pas de simples prisonniers de guerre, mais véritablement de criminels de guerre, selon la terminologie moderne. À Ar-Rawha, une localité limitrophe de Médine, l'armée musulmane fut accueillie et félicitée par les personnalités musulmanes qui étaient restées à Médine. Salama ibn Salam alors dit « Pourquoi nous félicitez-vous ? Par Allah, nous n'avions en face de nous que des vieillards aussi inoffensifs que des chameaux dont on aurait entravé les pieds. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, sourit et dit « Ô fils de mon frère, c'étaient les dignitaires de Quraysh. » Usayd ibn Hudayr, agissant en tant que porte-parole des autres croyants sincères qui étaient restés à Médine, glorifia le nom d'Allah, puis présenta ses excuses pour ne pas s'être joint à l'expédition, car il s'était référé à l'intention du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était seulement d'intercepter la caravane de Quraysh. Et il ajouta que s'il avait su qu'il y aurait une vraie bataille, il ne serait pas demeuré à l'arrière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, confirma la sincérité de ses propos. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, apparut dès lors à Médine comme un homme dont la puissance irait en croissant. Un grand nombre de Médinois embrassèrent l'islam. Voyant cela, Abdullah ibn Ubay et ses amis déclarèrent leur adhésion à l'islam, tout en demeurant foncièrement négateurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, exhorta les musulmans à traiter les prisonniers de façon si bienveillante que les Médinois leur donnèrent leur pain, qui constituait un aliment de très grande valeur dans le repas, en gardant les dattes pour eux-mêmes. À son arrivée à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons au sujet des prisonniers de guerre. Alors Abu Bakr dit « Ô messager d'Allah, ceux-ci sont des cousins, des contributeurs et des frères. Mon avis, c'est qu'on leur demande une rançon. Les rançons que nous aurons obtenues nous permettront ensuite de constituer une force contre les infidèles. Allah peut les guider sur la bonne voie et alors, ils nous seront un appui. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, se tourna vers Omar et lui dit « Quel est ton avis, Ibn al-Khattab, fils d'Al-Khattab ?» Celui-ci répondit « Par Allah, je ne suis pas du même avis qu'Abu Bakr. Plutôt, mon avis, c'est que tu me livres un tel, un parent d'Omar, pour que je lui coupe la gorge, que tu livres Aqil ibn Abi Talib à Ali, qui lui tranchera la gorge, et que tu permettes à Hamza de couper la gorge de son frère, de manière à ce que les ennemis d'Allah sachent que nous n'avons aucune indulgence à l'égard des associateurs dont ces prisonniers sont les héros, les dirigeants et les généraux. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, privilégia la proposition d'Abu Bakr et rançon fut demandée aux prisonniers. Rapportant lui-même cette histoire, Omar dit « Le lendemain, j'allais voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr, que je trouvais tous en train de pleurer. Alors je dis « Ô messager d'Allah, dis-moi ce qui vous fait pleurer, toi et ton compagnon. Ainsi, si je trouve que je dois pleurer, je pleurerai, sinon je ferai semblant de pleurer. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Au lieu d'exiger des rançons à ceux-ci, les prisonniers, on vient de me montrer qu'il fallait plutôt les châtier. » Allah avait en effet révélé, selon le sens des versets, un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu 1000 mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. L'arrêt préécrit en question est contenu dans cette autre parole d'Allah. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Sourate 47, verset 4, selon le sens du verset. Ce verset incluait la possibilité de prélever une rançon, c'est pourquoi aucun châtiment n'était justifié. Les musulmans furent seulement réprimandés pour avoir fait des prisonniers avant d'avoir infligé une défaite complète à l'ennemi. Ce fut en fin de compte l'avis d'Abu Bakr qui fut retenu. La rançon fut fixée en fonction de la situation financière du prisonnier. Elle varia entre 1000 et 4000 dirhams. Celui qui n'avait pas les moyens de régler sa rançon devait, quant à lui, apprendre à lire et à écrire à 10 enfants musulmans. Dès que les enfants étaient considérés comme suffisamment instruits, le professeur était libéré. Un autre groupe de prisonniers fut relâché car ne pouvant satisfaire aucune des deux options. Zainab, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, qui vivait alors encore à la Mecque, paya la rançon de son mari, Abu al-As, à l'aide d'un collier que sa mère, Khadija, lui avait donné la veille de son mariage. Voyant le collier, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, très touché, demanda à ses compagnons de bien vouloir libérer Abu al-As, à condition toutefois qu'il se séparât de Zainab. Il tint son engagement et Zainab put émigrer, mais non sans difficulté. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya Zayd ibn Haritha et un Ansar l'attendre dans la vallée de Ya'jaj pour la conduire à Médine. En captivité, Il y avait aussi un orateur éloquent appelé Suhail ibn Amr. Omar suggéra que certaines de ses dents lui soient arrachées afin de le rendre incapable de parler. Mais le prophète alayhi salatu wassalam rejeta cette suggestion. D'une part, car il craignait que les Quraychites ne se vengent de façon semblable, et d'autre part, parce qu'il craignait le châtiment d'Allah le jour de la résurrection. Sa'd ibn Nu'man partit à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. Mais Abu Sofyan, qui refusait de payer la rançon de son fils Amr, le séquestra et ne le libéra que lorsque son fils fut libéré par les musulmans. La bataille de Badr dans le Coran. La sourate 8, le butin, fut révélée à l'occasion de la bataille de Badr, le 17 du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Elle constitue un commentaire divin, si l'on peut s'exprimer ainsi, de cette bataille. Un commentaire qui diffère beaucoup de ce que font rois et chefs militaires après de tels événements. Allah le Très-Haut, exalté soit-il, commence par attirer l'attention des musulmans sur les failles morales qui subsistent encore dans leur caractère, attendant d'eux de s'en purifier et d'améliorer leur comportement. Il parle ensuite de l'assistance invisible qu'il a envoyée à ses serviteurs obéissants afin de leur permettre de réaliser leurs nobles objectifs. Ainsi, les musulmans ne se laisseraient pas abuser par leur courage et ne deviendraient pas arrogants. Au contraire, ils devront placer leur confiance en Allah et ils lui obéiront à lui de même qu'à son messager, alayhi salatu wassalam. Après cela, il définit les objectifs élevés par lesquels le messager, alayhi salatu wassalam, s'est lancé dans cette rude bataille et il souligne les qualités qui font mériter la victoire. Les polythéistes, les hypocrites, les juifs, les prisonniers de guerre sont également mentionnés. Allah leur adresse une exhortation éloquente. Peut-être en tireront-ils profit en se soumettant à la vérité. La question des dépouilles de guerre est également soulevée et les principes s'y rattachant sont clairement définis. Les lois et règles relatives à la guerre et à la paix y sont codifiées, surtout à ce stade avancé de l'action islamique. Allah veut que les musulmans suivent une éthique de guerre radicalement différente de celle de l'époque pré-islamique. Les musulmans se doivent de surpasser les autres en matière de valeurs, de morale et d'idéaux. C'est ainsi que les gens se rendront compte que l'islam n'est pas seulement un code de vie théorique, mais qu'il indique également la façon d'appliquer concrètement ses principes. Il établit ensuite des articles distinguant les musulmans vivant sous l'État musulman de ceux qui sont installés ailleurs. Au cours de la deuxième année de l'Hégire, furent prescrits le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que la zakat de la rupture du jeûne, et les taux imposables nisab furent également déterminés. Les nécessiteux parmi les muhajiroun pouvaient ainsi voir leur quotidien amélioré. Par une coïncidence étonnante, les musulmans célébrèrent, pour la première fois de leur histoire, juste après la grande victoire de Badr, une fête. Il s'agissait de la fête de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Ce fut un spectacle magnifique, comme jamais on n'en avait vu auparavant. Les musulmans sortaient de leur maison en invoquant Allah, en acclamant son nom et en déclamant ses louanges de la voix la plus forte possible, en reconnaissance de ses faveurs et de sa grâce, et surtout pour le soutien qu'il leur avait procuré et qui leur avait permis de triompher des forces du mal. Allah évoque cela dans le verset suivant. « Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate 8, verset 26, selon le sens du verset.